les bavons, reconnais les bâtards qui parlent que par intérêt. Enfoiré, tu penses une neutre, apprends tes marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, pour ce combat. On chipote pas, tu payes en test. Ton bon qui va gérer mes peines, moi. MHD, ça tue pour les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, à qui fait bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y m'en va vite. À 11h, je vis ça à Barbe. Gatier, appétit, passe par j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gatier, appétit. Gatti appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me playback. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je te bec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Appétit, là, connais pas la porte claire. On se titulaire, et c'est moi qui le brasse. Tu parles, on sait que tu ne passes pas. La ligne est restreinte. Ngatier, appétit, passe-me par j'ai la moula du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngatier, appétit, passe-me par j'ai la moula du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngatier, appétit. Gatti, appétit.